Chapitre 29e. Cette dépêche, expédiée à 3 heures, arriva à Bordeaux à 5 heures. Philippe n'était pas chez lui, et il ne rentra qu'à 6 heures. Le train part de Bordeaux pour Paris à 6h30. Sans se donner le temps de changer de costume, sans rien prendre avec lui, Philippe courut jusqu'à la gare Saint-Jean. Le guichet allait fermer. Il fit un signe désespéré. On lui donna le dernier billet. À 5h30 du matin, il descendait à la gare d'Orléans, et une demi-heure après, il arrivait rue Saint-Honoré à l'hôtel de Rochester où logeait M. Azimbert. Levé depuis longtemps déjà, celui-ci se promenait de long en large devant la porte de son hôtel, et bien qu'il n'eût jamais vu Philippe, il n'hésita pas à le reconnaître. « Monsieur R.M. » dit-il en s'avançant. « Monsieur Azimbert, je suppose, assurément. »« Que se passe-t-il? J'arrive dans une angoisse affreuse, Marthe. » Elle n'est pas malade, rassurez-vous. Cependant, j'aimerais presque autant qu'elle le fût. Le corps se guérit, mais le cœur, mais l'esprit. La réalité est-elle donc plus terrible que ma crainte? Marchons, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai fait venir. Ils se dirigèrent vers les Champs-Élysées à 7 heures désert comme un bois, et tout en marchant, M. Azimbert raconta à Philippe son entretien de la veille avec Marthe. Elle ne m'aime plus, s'écria Philippe, bouleversé. Supposez tout, cela seul accepté. Mais alors, comment s'expliquer cette résolution? Si elle m'aime toujours, elle ne peut pas vouloir épouser monsieur de Saint-Austre-Berthe. Cela est monstrueux, cela est impossible. Ah non, non, elle ne m'aime plus, elle m'a oublié. Si vous ne trouvez en vous que le doute et le désespoir pour me répondre, j'ai eu tort de vous faire venir. Et que voulez-vous? Je suis accablé. Je me demande si je rêve ou si j'ai ma raison. Que voulez-vous de moi, je vous prie? Guidez-moi, je suis incapable d'avoir une idée. Marthe, Marthe! « Cela, je le comprends. Soyez désolé, soyez malheureux, soyez fou, criez, pleurez, si vous ne pouvez pas vous contraindre, c'est bien. Mais ne doutez pas d'elle et n'accusez pas son cœur. »« Je ne l'accuse pas, je ne sais pas, je cherche. Je suis en présence d'un fait inexplicable que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas croire. » Pour moi, Marthe a été entraînée à cette résolution par sa tendresse pour son père. Revenu près de lui après une longue absence, le trouvant désolé de sa fuite et cependant indulgent, le voyant toujours désireux de ce mariage, elle s'est décidée à céder. Et comme l'idée du sacrifice est la plus troublante pour les femmes, elle s'est exaltée pour cette idée et elle en est arrivée à croire que si elle n'acceptait pas M. de Saint-Austre-Berthe, elle faisait le malheur de son père, elle empoisonnait sa vie, elle abrégeait ses jours. Jusqu'où ne va-t-on pas sur ce chemin? Alors de bonne foi, elle était convaincue qu'il fallait que ce mariage se fît et elle s'y est résignée. C'est cette explication que je crois juste qui m'a décidé à vous appeler ici pour que vous agissiez. Que puis-je, puisque je ne la vois pas? C'est dans la solitude que Marthe s'est affolée de cette idée. J'ai cru qu'il suffirait de votre présence pour l'en guérir. Vous allez la voir tantôt, et j'espère qu'elle ne vous répétera pas ce qu'elle m'a dit. « Ah, monsieur !» s'écria Philippe. Sans en pouvoir dire davantage, il saisit les deux mains de M. Azimbert, qu'il serra dans les siennes. « Ce que je veux faire, continue M. Azimbert, est bien grave. » C'est me mettre en opposition avec la volonté d'un père, et jusqu'à un certain point, c'est abuser de sa confiance. Il faut pour m'y décider toute l'horreur que m'inspire M. de Saint-Austre-Berthe. Depuis que je suis à Paris, j'ai eu la preuve que vos renseignements n'avaient point été exagérés. N'est-ce pas? C'est un misérable. Je ne peux pas souffrir que ma petite fille devienne sa femme. J'irai prendre Marthe à midi. Où puis-je vous voir? Il nous faudrait un endroit écarté où nous ne fussions pas dérangés. Est-ce possible au bois de Boulogne? « Renseignez-moi, car je ne connais pas le Paris nouveau. »« À la mare d'Auteuil. »« Soit, nous partirons vers midi. Attendez-nous. Ne désespérez pas avant de l'avoir vue. » En sortant à midi avec son grand-père, Marthe fut surprise de trouver une voiture attendant à la porte, car M. Azimbert ne se servait que de ses jambes pour les courses les plus longues. « C'est pour nous conduire au bois de Boulogne, » dit-il. Marthe ne fit pas d'objection et ne remarqua pas que le cocher partait sans demander où on allait. En arrivant au bout de l'allée qui débouche sur la mare, elle aperçut Philippe qui se promenait lentement, et par un mouvement involontaire, elle se rejeta au fond de la voiture en étouffant un cri. « Oui, dit M. Azimbert, c'est M. R.M. Je l'ai fait venir à Paris, et je t'amène ici pour que tu lui répètes ce que tu m'as dit. « Ah, grand-père, dit-elle tristement, quel chagrin tu m'as préparé. Veux-tu que nous passions sans parler? Maintenant, c'est impossible. » La voiture s'arrêta, et Philippe accourut pour les aider à descendre. Il tendit la main à Marthe. « Ah, Philippe, Philippe » dit-elle. Elle resta la main dans les siennes. le regardant sans pouvoir détacher ses yeux de ceux de Philippe. « Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? » dit-il enfin. « Ce n'est pas possible. » Elle regarda autour d'elle. Monsieur Hasenberg s'était éloigné de quelques pas, se dirigeant lentement vers l'allée qui longe les pépinières et s'enfonce sous le bois épais. « Suivons mon grand-père, » dit-elle en prenant le bras de Philippe et en se serrant contre lui avec un frisson. Ils marchèrent ainsi durant quelques minutes sans échanger une parole. Car bien qu'il fût seul dans le bois désert, un tiers était entre eux, les oppressant, les écrasant, Saint Ostrobert, qu'ils ne pouvaient chasser de leurs pensées. « Vous ne m'avez pas répondu, » dit enfin Philippe, cédant le premier à son angoisse. « Mon grand-père vous a raconté notre entretien ?»« Oui, du premier mot au dernier. »« Eh bien, je ne puis que vous répéter ce qu'il vous a dit. »« Vous voulez épouser cet homme ?»« Je veux ne pas faire le malheur de mon père. » »« Et pour cela, vous voulez faire le vôtre et le mien ?»« C'est impossible. Vous n'avez pas réfléchi. Vous ne parlez pas sérieusement. Vous savez bien qu'une honnête fille ne peut pas épouser M. de Saint-Ostrobert. » « Il ne s'agit pas de ce que je sais, moi. Il s'agit de mon père. Ce n'est pas M. de Saint-Ostrobert que j'accepte. C'est l'homme que choisit mon père. M. de Saint-Ostrobert, je ne l'ai jamais haï si profondément que depuis que je suis décidée à devenir sa femme. Marthe, regardez-moi. » Elle s'arrêta et, tournant vers lui, son visage pâli, elle le regarda avec un sourire navré. « Vous voulez voir si je suis folle ? » dit-elle. « Hélas, non. J'ai ma raison, toute ma raison. Et c'est elle qui me contraint à ce mariage. Je vous en conjure, Philippe, ne tentez pas de changer ma résolution. J'ai tant souffert pour la prendre. Ne me rejetez pas par vos paroles, par vos regards, par votre douleur. De les irrésolutions affreuses que j'ai dû traverser. Il faut que j'épouse M. de Saint-Ostrobert, je l'épouserai. Ne me dites pas que c'est impossible, que c'est un crime, que c'est un suicide. Il le faut. Si vous pouviez savoir la vérité, vous verriez qu'il le faut. Je vous en prie, Philippe, au nom de notre amour. Vous parlez de notre amour. Si vous ne voulez pas que je parle de notre amour, je m'adresse à votre tendresse, à votre cœur, à votre loyauté, cher Philippe, et je vous demande de ne pas m'accabler, de ne pas me tenter. N'essayez pas de me retenir. Soutenez-moi, au contraire. Aidez-moi à accomplir mon sacrifice. Ne redoublez pas ma douleur par la vôtre. Ne m'enlevez pas ce que j'ai de force, et j'en ai bien peu. Cependant, vous en avez encore plus que vous n'avez d'amour. Vous ne me reprochez de ne pas vous aimer, ô Philippe. Est-ce que pour vous je n'ai pas quitté la maison de mon père? J'ai cru que votre jalousie souffrirait, si vous me saviez exposé à subir chaque jour les hommages d'un homme dont on m'imposait la présence, et pour vous épargner cette torture, j'ai pris la résolution la plus grave que puisse prendre une jeune fille. Je me suis sauvé. Savez-vous ce que je me disais au milieu de ma fuite pour me donner du courage? Je me répétais, au moins il ne doutera pas de mon amour. Alors oui, vous m'aimiez. Tandis que maintenant, non seulement il n'est plus question de fuite, mais encore il n'est plus question de résistance. C'est vrai. Maintenant, je ne résiste plus, parce que je ne peux plus résister. J'ai lutté tant que j'ai pu jusqu'au bout. Maintenant, je cède, parce que je sais que la lutte est inutile et qu'il faut que ce mariage s'accomplisse. Il faut. Oui, il faut. Il le faut pour mon père. Comprenez donc qu'il n'y a qu'une raison irrésistible qui puisse me contraindre. Cette raison existe. Elle m'étreint, elle me pousse. Et je dois la subir. Si je ne vous la dis pas, si je ne vous la montre pas, c'est qu'il s'agit de mon père et que je ne peux pas, que je ne dois pas vous livrer des secrets terribles qui ne sont pas les miens. Plaignez-moi, ne m'accusez pas. Je ne vous accuse pas, mais je ne peux pas oublier. Je ne peux oublier ni nos jours heureux, ni nos projets, ni nos espérances. Ne croyez pas que je les oublie plus que vous. Je n'oublie même pas le serment que je vous ai fait de ne me marier jamais, si je ne pouvais pas être votre femme. Et cependant vous épousez cet homme. Quand je me suis résigné, j'ai pensé vous écrire, pour vous demander de me rendre ma parole. Me la refuserez-vous, Philippe? Jamais je ne vous la rendrai. Vous êtes dur pour moi, Philippe, bien dur, car vous m'imposez une nouvelle douleur. J'ai fait le sacrifice de ma vie. Je ferai encore celui de ma foi. C'est un sacrifice de plus. Il eût été généreux à vous de me l'épargner. Êtes-vous généreuse pour moi, vous, qui prenez mon amour, mon bonheur, ma jeunesse, ma vie, et qui l'ai sacrifié? Cruel, cela est vrai, et vous avez le droit de m'accuser. Mais accusez surtout la fatalité qui nous écrase tous deux. Nous ne nous verrons plus. Cet entretien si douloureux est notre dernier entretien. Laissez-moi donc vous dire que je vous aime. Bien des fois, vous m'avez demandé de prononcer ces mots. C'est moi qui vous supplie aujourd'hui de les écouter. Je vous aime, Philippe, et je vous aimerai toujours. Maintenant, il faut nous séparer. Mais avant, je voudrais vous laisser un souvenir. Si vous voulez bien en accepter un de moi. Voici un portrait qu'on a fait de moi quand j'avais 2 ans, pour ma mère. C'est ce que je possède de plus précieux. Le voulez-vous ? Elle lui tendit un petit médaillon qu'elle avait détaché de la chaîne de sa montre. « Marthe, Marthe !» s'écria Philippe en voulant la prendre dans ses bras. Mais elle le repoussa doucement, et à haute voix, elle appela son grand-père qui se retourna vivement. Ils étaient revenus en suivant l'allée courbe aux abords de la mare. « Adieu, dit Marthe. Prête à monter en voiture. Adieu, cher Philippe. » Il voulut la retenir, elle s'élança dans la voiture et se cacha le visage dans son mouchoir. « Eh bien ?» demanda M. Alzenberg à Philippe. « Rien, rien, je n'ai rien pu obtenir. C'est à devenir fou. Rentrez à Paris et attendez-moi à l'hôtel, il faut que je vous parle. »